Là, c'est le début du cortège pour aller au lycée des Bruyères, qui est un autre lycée de Sotteville-lès-Rouen, qui se trouve à un petit quart d'heure. Donc c'est cortège improvisé dans les rues de Sotteville, avec la police du coup qui s'est précipitée à l'avant du cortège. Petite manif sauvage dans les rues de Sotteville. Bah oui, c'est bien ça de manifester, puis d'être un peu sauvage, les deux ensemble, ça va, c'est pas mal. On passe devant une crèche de Sotteville où il y a une employée de la crèche qui danse en nous souriant. Là, on est en train d'arriver devant le lycée des Bruyères. Oh, il y a du monde déjà. Je suis un salvateur de Bahia. Jagda, Yaya. Calibré comme la Mara. Rapta, Yaya. Mender, Denger, Denda. Ma vie, c'est le carnage. J'arrive dans le club, on te fait Gabbana. Des lycéens qui filment tout ça d'un air réjoui. Ah oui, entre autres. Ouais, elle est bien, c'est mobilisant. Ouais. Bah ça, on essaye d'ambiancer un petit peu aussi les lycéens, parce qu'on est devant leur bahut, donc c'est le but. Bon, puis en vrai, enfin, du coup, effectivement, on essaye un petit peu de représenter la jeunesse, parce qu'on est les seuls étudiants qui sont venus par rapport pendant l'action interprofessionnelle. Et du coup, c'est vrai qu'on essaye de, enfin, on écoute un petit peu plus des musiques qui se rapprochent de la jeunesse lycéenne. Donc on a pris effectivement la liberté de choisir un petit peu ce qui passait dans la playlist, quoi. Ça, enfin, du coup, voilà, ça amène une autre partie de la population à s'ambiancer et à s'intéresser un petit peu aussi aux actions qu'on peut proposer. On voit que les lycéennes et lycéennes, ils sont intrigués et surpris, agréablement surpris, quoi. Bah c'est ça, voilà, ça change un peu, quoi. Ton prénom, c'est quoi ? Basile. Merci Basile. Le jour s'est levé maintenant. Les droits de gravement à la santé des élèves, la santé physique et psychique, à la santé des professeurs, la santé pédagogique et à la santé de l'administration. Annulation des droits de Donc il y a beaucoup de panneaux sur des cartons. Prof en grève. Improvisation des E3C. Éducation nationale agressée. Bac maison, où va-t-on? Retraite, salaire, bac, nous enseignons, vous nous saignez. Il y a un cercueil non aux E3C devant l'établissement. Apparemment, la musique, elle leur plaît aux lycéens et lycéennes. Ils sont en train de danser, de filmer, de rire. Juste pour informer les collègues des Bruyères qui ne savent peut-être pas, c'est que nous, à Marseille Samba, ce matin, on a eu un comité d'accueil aussi, mais c'était une dizaine de policiers et de CRS. Les jeux français pour la protection. Bonjour mesdames, vous en pensez quoi là de l'accueil devant votre établissement aujourd'hui? C'est légitime, c'est légitime. Vous êtes en quelle classe? Première. Vous êtes concernée par les E3C? Oui. Ouais. Et vous en pensez quoi de la manière dont s'est organisé les E3C? C'est totalement inadmissible, On est en première, on passe déjà des épreuves du bac, on est censé les passer en terminale. On n'a même pas la totalité des cours. On a, par exemple, en géographie, on n'a rien fait. On nous a donné des faits comme ça, on nous a dit réviser. Enfin, c'est inadmissible. On a eu très peu d'informations sur les épreuves. Et on ne peut pas travailler dans ces conditions. Voilà. Donc vous, ça vous irait bien si jamais c'était annulé, quoi? Oui, ouais, totalement. Pour être mieux organisé plus tard? Exactement. Et qu'on puisse apprendre dans de bonnes conditions. Vos prénoms, c'est quoi? Comment? Le prénom? Alicia. Emma. Merci. Bonjour monsieur. Est-ce que vous voulez dire ce que vous en pensez de ce qui se passe devant votre lycée aujourd'hui? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe devant votre lycée aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas trop. Ouais. Vous êtes en quelle classe? En seconde. Ok. Donc pas encore concerné par les autres 3C? Si, un peu. Un peu. Vu que ça va arriver vite. Ouais. Après, si ça peut changer les choses, tant mieux. Mais il faut pas que ça nuit à d'autres personnes. Comme par exemple aujourd'hui, normalement, c'est pas le bac d'histoire. Voilà, je trouve ça c'est pas un peu quand même. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, vous êtes intrigué par ce qui se passe, quoi? Oui, un peu quand même. Ouais. Parce qu'en soi, ça c'est pas quand même, je trouve que ça c'est pas pour ceux qui passent le bac d'histoire. Enfin. Mais après, d'un côté, ça permet de changer les choses. Donc c'est un peu mitigé, mais voilà. Je suis pas pour à 100% ni contre à 100%. Ça vous interroge, quoi? Oui, voilà. Merci. De rien. Bonjour. Vous êtes toutes les deux profs ici? Oui. Ouais. Il y a une grosse mobilisation au lycée des Bruyères? Assez importante, oui. On s'est réunis vendredi et la plupart des collègues étaient partants pour ne pas travailler aujourd'hui, être gréviste afin de ne pas assurer la surveillance des épreuves, puisque c'est le seul moyen qui nous est donné, puisque le gouvernement ne nous écoute pas. On a écrit à nos inspecteurs, on a écrit au ministre, et voilà, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de dialogue. Le seul moyen, c'est aujourd'hui d'espérer que les conditions ne sont pas réunies pour que les élèves composent. Votre prénom, c'est quoi? Nadège. Bonjour. Bonjour, franchement, on a des meilleures preuves de toute la terre. Donc vous soutenez, vous êtes d'accord avec votre prof qui tape? Oui, on est d'accord avec les profs, pas avec le rectorat, les réformes, avec Emmanuel Macron. Macron, il sert à rien, tout le temps il fait des réformes. Ouais. Il y a des élèves qui ressortent acclamés par les autres. Macron, il sert à rien. Des réformes, des difficultés, franchement, on s'en fout de lui. Les réformes, on n'est pas trop d'accord. Ouais. truc à dire. C'est juste que même nous, les profs, ils sont même pas au courant et ils nous mettent une réforme comme ça. Donc on y aille à la baisse. C'est inadmissible parce que rien n'est organisé, rien. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec eux et je soutiens totalement. Ouais. Moi, je trouve ça inadmissible de changer tout ça d'un seul coup sur un coup de tête. On a été mal organisé, mal préparé. Les sujets, ils ont mal été faits. On sait même pas. Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi. Voilà. Je suis d'accord pour ne pas passer le bac. Merci. Cette belle animation qu'il y a eu. Alors on espère qu'en fait tous les gens qui sont entrés, les élèves, les militants, etc., sont entrés pour perturber les épreuves. Alors non pas juste annuler pour annuler, hein, simplement effectivement avoir le temps de réfléchir à cette réforme, la préparer correctement. Pour l'instant c'est de l'amateurisme, c'est de l'impréparation. Les élèves sont en contrôle continu toute l'année. On est allé préparer des réunions sur les E3C. On a montré une très bonne volonté. On a eu à cœur de s'intéresser au sujet et de s'y investir. Donc on a pu constater que des sujets qui ne tombent dans les banques de données qu'en décembre, pour des épreuves en janvier, c'est beaucoup trop tard. Parfois, ce sont 280 sujets à éplucher. Je vous laisse imaginer un peu le travail. L'évaluation, quant à elle, elle est quand même assez peu préparée également. On sait très bien que les épreuves pourront être évaluées différemment d'un établissement à un autre. Effectivement, pour nous, c'est l'inégalité des élèves face aux épreuves. On préfère un bac national avec des épreuves nationales qui préservent l'égalité et l'équité de tous. Et la pédagogie. Intéressez-vous un peu à la pédagogie spiralée en mathématiques, vous verrez que ça ne colle pas avec des E3C en janvier, par exemple. Vous êtes prof de maths ici au lycée de Bruyères? Pas du tout, prof de français, mais je m'intéresse aussi aux autres disciplines. Okay. Votre prénom, c'est quoi? Delphine. Merci. Personne annulé, il faut y aller. Macron ne le veut pas, nous on est là. Allez, Donc là, on est dans la cour du lycée des Bruyères. Avec des gens qui investissent les étages supérieurs de l'établissement où ont lieu les épreuves. Donc il y a des élèves d'autres établissements qui sont venus pour soutenir les lycéens et lycéennes du lycée des Bruyères dont les épreuves n'ont pas encore été annulées. Ou alors c'est pas encore annulé ? On peut pas les prendre la parole, il annule pas. Il annule pas ? Et là, lui pouvoir parler, c'est faire évacuer les gens extérieurs à l'établissement. Soit avec la police, soit à l'amiable. Les conditions ne sont vraiment pas réunies pour que ça soit... Il y a pas mal d'élèves qui composent, mais avec le bruit, avec les allées-venues, avec c'est n'importe quoi. Là, on va sortir, puisque maintenant qu'on a démontré que ces épreuves n'avaient aucun sens, des élèves absents, des élèves arrivés en retard, des élèves qui sortent, qui rentrent, de la musique, et pourtant, voilà, c'est ça le nouveau bac façon Blanquer. Chez moi, du cercle qui roule. La guerre m'a pas bien raison. De temps en temps, je suis droit devant.